Sugar sans filtre, bouffer du fumet noir, bouffer de la peau, les poumons pleins. Peu importe que ce soit du tabac, signal électronique ou congestion, mais non seulement du poumon, mais c'est le lit qui les fait respirer. Les produits importables, pour moi qui les consomme, les drames étant qu'ils mènent sur des vaccinés. La vie fait les mois, les pratiques l'enseignent. La vie du mois après 20 jours d'absence, et l'enseignant change avec le temps. Et comme l'île est élaborée. La pratique ou évolue ou s'entempère dans le passé. Cigare sans filtre, bouffer de fumée noire, bouffer de la peau, les poumons pour le cavalier.